Du jamais vu chez Delbeau Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbeau Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. De la grande visite à Robertval jeudi dernier, Pierre Vercheval, l'analyste à RDS, était de passage pour parler un peu aux membres de la Chambre de commerce. On s'est rendu là-bas pour parler du dossier des Alouettes de Montréal, donc on écoute cette entrevue. De la grande visite à Robertval, l'analyste des matchs à RDS, Pierre Vercheval. Bon après-midi, Pierre. Bon après-midi. Pierre, si on parlait d'abord, j'écoutais ta conférence et je te l'ai posé comme question, je vais te la reposer. C'est-tu Bill Belichick qui t'a montré cette conférence-là? Ben, c'est le monde du football qui m'a montré cette conférence-là parce que, comme toujours, c'est le sport d'équipe par excellence. Au football, tu as des gars de 5 pieds 7, 150 livres, à 6 pieds 7, 350 livres, avec des qualités différentes. Mais j'ai besoin de tout ce monde-là. C'est les différences. Donc, le football, c'est la célébration des différences et la complémentarité des talents. Fait que c'est ce qui ressemble le plus à une entreprise. Alors, c'est pour ça qu'il y a des liens qui sont faciles à faire. Tout le monde a un rôle précis, tout le monde a un rôle important. Ça fait un message là, qu'on peut aller chercher les gens qui sont dans la salle. Puis pas besoin de connaître le football, dans le fond, pour comprendre le message. Effectivement. Pierre, je veux te parler des Alouettes, évidemment, c'est le talk of the town, les Alouettes de Montréal. La vente de l'équipe, on dit que c'est imminent. On n'a pas le choix, on est rendu là. Oui, c'est dommage qu'on en soit rendu là. Pourquoi je dis c'est dommage? Parce qu'il faut comprendre que sans la famille Wetmore, il n'y aura pas eu d'Alouettes à Montréal. Hein. Quand eux, ils ont décidé de délier les cordons de la bourse en 97 pour acheter les Alouettes, là, ça allait nulle part, ça perdait des sous. Et les Alouettes ont eu beaucoup de succès jusqu'en 2010, tu sais, avec les championnats, les Coupes Grey, Anthony Carlio et compagnie. Ouais. Et là, de voir cette équipe-là, tu sais, la façon que c'est géré maintenant, c'est décevant. Fait que je trouve ça dommage, mais on en est rendu qu'il faut changer le propriétaire. Parce que là, on regarde tout ce qui se passe ailleurs dans les autres équipes. Les Alouettes vont avoir une mise à niveau qui va devoir être solide. À la blague, je dis, ça va peut-être quasiment coûter plus cher la mise à niveau des installations. Puis ça vaut? J'ai aucune idée comment ça vaut. C'est une bonne question parce que, tu sais, les Alouettes, ils sont locataires partout. Ouais. Ils sont pas propriétaires d'aucun actif immobilier. Ils louent au centre-ville, ils louent au Stade McGill, ils louent au Stade Olympique. Alors, je sais pas, la marque, le contrat de télé, commanditaire, billet de saison, je sais pas. C'est une bonne question. Je suis pas expert là-dedans. Mais tout ça pour dire que là, quand on regarde ce qui se passe dans toutes les autres équipes, il faut investir. Puis je crois que malheureusement, les Wetmore ont décidé qu'ils étaient tannés d'investir. Puis quand je peux comprendre, ils font pas beaucoup de sous, mais là, malheureusement pour eux, malgré tous les succès des Alouettes, là, les gens, il y a une perception qui est très négative. On veut un nouveau propriétaire, on veut des intérêts québécois. Puis on en est rendu là, puis je pense que c'est ça que ça prend. Pierre, si on parlait un peu justement de... Mais à un moment donné, tu viens que tu fais ton temps. Tu as parlé des Wetmore, tu as parlé... Mais à un moment donné, Jim Popp a été un très bon directeur général, a fait son temps à Montréal. C'est la même chose avec Wetmore. Et est-ce qu'Andrew Wetmore est aussi engagé que Robert? Ça, j'ai des gros doutes. Bien, juste de par la nature de son travail à New York, il peut pas. Ouais. C'est un gars qui a beaucoup de succès. Là. Je ne sais pas exactement c'est quoi son titre, là, mais il travaille dans la finance à New York. Là. Fait que, ça veut dire que tu peux pas être à Montréal trop souvent et suivre les activités de l'équipe. M. Wetmore était rendu déjà à un âge que je pense qu'il était moins occupé avec ses autres business. Donc, il pouvait passer du temps à Montréal, il pouvait être proche de son équipe. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'entends que, tu sais, quand on essaie d'avoir les propriétaires pour le dernier match de la saison en entrevue, puis qu'il n'est pas là, finalement, il n'était pas là pour le dernier match de l'équipe à domicile, qu'il n'était pas là pour la photo de l'équipe, tu sais, à un moment donné, tu dis, ben, coudonc, là, tu sais, ils ont tout abandonné. Mais, puis encore là, si je veux faire, je veux peser mes mots, je veux être délicat parce que je veux pas que les gens oublient ce que cette famille-là a fait pour le football au Québec, puis pour les Alouettes. Sauf que malheureusement, ça a pris un virage qui est négatif. Puis là, pour changer ça, ça prend une nouvelle équipe derrière ça, ça prend une nouvelle gestion, ça prend des intérêts québécois. Puis il faut repartir à gagner le aussi fait sur que le commissaire Rory Ambrose est engagé là-dedans également dans le processus de vente. T'en as dit long sur le où ce qu'en est rendu les Alouettes là. Oui, c'est ça. Puis c'est peut-être là aussi là, que quand tu regardes un peu de loin, parce que moi, j'ai pas d'informations privilégiées. Puis, mais quand je regarde ça, oui, on entend parler que la Ligue est impliquée. Éric Lapointe. Oui, mais est-ce que la Ligue, premièrement, veut... parce que moi, je connais Randy Ambrosie. C'est un gars qui est très intelligent. C'est un gars qui est très respectueux aussi. Puis moi, je regarde ça de l'extérieur. C'est juste une idée que je me fais. Le fait que la Ligue veut prendre peut-être le contrôle de l'équipe avant de la revendre, ouais. C'est ce qu'on semble entendre comme scénario. Est-ce que c'est parce qu'on veut faire les choses de la façon la plus respectueuse possible envers les Whatnors? Parce que, tu sais, quand tu penses à ça, là, tu peux pas tout simplement dire, hey, on sort de la Ligue à grand coup de pied dans le derrière, tu sais. Je pense que la Ligue est consciente que cette famille-là fait énormément pour les Alouettes, pour la Ligue canadienne. Donc, on veut trouver une façon respectueuse de régler le dossier. Moi, je trouve que ça ressemble à ça. Moi, Pierre, tu as parlé d'intérêt québécois. On sait qu'il y a des rumeurs qui disent que le groupe d'Éric Lapointe serait très intéressé également. Je vais te dire une affaire. Ça va prendre un président fort pour ramener de la crédibilité dans le groupe. Parce que c'est le mot crédibilité, en fait, dans la communauté des affaires, également dans les fans. Et moi, je vois un nom comme président, c'est Pierre Vercheval. Pierre Vercheval serait-il intéressé si téléphone sonnerait comme président des Alouettes de Montréal? Oui, c'est sûr que quand téléphone sonne, t'as pas le choix, faut toujours que t'écoutes. Mais comme toujours, j'adore ce que je fais, j'adore mon horaire. Moi, je suis un gars qui s'investit beaucoup dans ce qu'il fait. La seule affaire qui me fait peur dans ce genre d'emploi-là, mettons, là, parce qu'on m'a déjà demandé, tu veux-tu coacher avec nous autres? Je regarde ta conférence. Il me semble que si t'appliques ça, les Alouettes gagnent la Coupe Grey dans 3 ans. Non, mais tu... Ouais. mais quand je repense, c'est... On m'a déjà offert de coacher avec les Alouettes. On m'a déjà offert d'aller aider Jim Pop aux opérations football. Mais là, je parle de président. Oui, non, je sais. Mais pourquoi je parle de ça? Puis j'ai toujours dit non, parce que j'adore ma job. J'adore la qualité de vie que j'ai présentement. Ouais. Je peux voir ma famille. Je peux être à la maison. Je peux dormir sur mes deux oreilles, parce que le problème, c'est que moi, en tant que joueur, j'étais un gars qui... J'étais pas le plus talentueux, j'étais pas le plus grand, mais je travaillais excessivement fort. Moi, j'avais toujours... C'est pas vrai que le gars en avant de moi va travailler plus fort que moi. J'amènerais cette mentalité-là aussi. Fait qu'à un moment donné, comment tu fais pour te détacher de ça? Je prendrais tellement ça à cœur, je me demande si j'en ferais pas trop, puis tu te brûles, là, tu sais, parce que... Ouais. Mais tu dirais pas non. Ben, moi, je dis toujours, quand les Alouettes perdent, je suis toujours déçu. Je veux les voir gagner, c'est mon ancienne équipe. C'est bon pour eux autres, c'est bon pour le football au Québec, c'est bon pour RDS, les codes d'écoute. Ouais. Mais si jamais ils perdent un match, je suis déçu pour eux autres, mais j'arrive chez nous, ça ne m'empêche pas de dormir. Okay. Quand tu es investi dans l'équipe, 2 défaites d'affilée, 3 défaites d'affilée, là, tu commences à prendre ça à cœur, tu dors pas bien, tu penses à ça, qu'est-ce que je peux faire? Mettons que tes joueurs vedettes se cassent la jambe, puis là, boy, la saison. Ouais, ouais. Tu sais, tu peux pas te détacher de ça. Fait que c'est ça que moi... Mais regarde, on sait jamais. Okay. On sait jamais. T'sais. Pierre, il me reste 2-3 questions que je veux te parler. Je vais aller sur la Ligue canadienne. Il y a la Ligue Alliance qui a fermé. On va en parler dans quelques instants. Là. Mais il y a eu une entente récemment. Tu connais Randy Ambrose très bien. Il y a eu une entente avec la France, avec le Mexique, l'Allemagne, également l'Australie, pour internationaliser le football. Moi, je trouvais ça génial comme idée, comme plan. Je pense que mais ça, c'est en réponse avec aux deux nouvelles ligues. Là, il y en a une maintenant. Ouais. Comment tu trouves ça? Moi, je trouve ça intéressant. Très intéressant. Moi, Randy Ambrosie, c'est un ancien de mes coéquipiers. Ouais. Je le connais très bien. C'est un gars où partout où il a passé, il a eu du succès. C'est un gars qui a eu des gros jobs dans la finance, qui a redressé des entreprises, qui a acheté de la valeur. Qui, ouais. C'est un gars intelligent qui a un plan. C'est un gars qui a du charisme. J'ai confiance dans le commissaire Ambrosie. Puis moi, je trouve ça intéressant de développer d'autres marchés. Puis, ça n'a jamais été touché. Hein? Même la NFL n'a même pas touché au Mexique. C'est débassé. Non, c'est ça. Tu sais, fait que moi, je trouve ça intéressant. Puis là, il va falloir voir comment on va gérer ça. Puis, tu sais, je sais que... Puis Randy, ça a été le premier à dire, regarde, c'est un début. Là. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de joueurs internationaux qui vont déjà jouer dans la Ligue canadienne dès cette année. S'il y en a un, ce sera un. Si l'an prochain, c'est deux, ce sera deux. Mais il y a un plan, il y a une vision. Tu sais, mais au-delà de ça, tu vends la Ligue canadienne des autres pays. Oui, ben oui. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, il y a ça qu'il disait quand il vend son idée. Il dit quand on a découvert qu'il y avait 40 pays qui jouent au football dans le monde entier. Ben oui. Mais là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que on a découvert ça. Fait que là, au lieu de dire qu'on est le deuxième plus petit en Amérique du Nord, non, on est le deuxième plus gros au monde. Ouais. Tu sais, on est deuxième sur 40. On n'est pas le plus petit aux États-Unis, en Amérique du Nord. Fait que tu sais, tu changes tout de suite la façon de voir. Fait que non, écoute, ça peut juste aider, tu sais, parce que déjà, déjà, il y a des pays qui veulent voir la Ligue canadienne. Ils veulent négocier des droits de télé pour montrer ça dans leur pays et tout ça. Ça peut juste être du positif. La seule chose qui serait intéressante de voir, c'est comment est-ce qu'ils vont intégrer ça dans le nombre de joueurs. Parce que, tu sais, c'est la Ligue canadienne, il y a un ratio, il faut que tu aies un minimum de joueurs canadiens, tu as des Américains. Puis là, on parle de baisser le ratio aussi à 5. Oui, mais ça, c'est pas à cause des joueurs internationaux. Ça, c'est à cause que les joueurs américains, malheureusement pour eux, je veux pas être méchant, on dit toujours à la blague, tu n'as 12 pour une pièce. Parce que des joueurs canadiens, c'est une denrée qui est rare. Donc, par le fait même, ça fait que les Canadiens sont mieux rémunérés. Mais ça, c'est parce que ça a un effet pervers. C'est le fun pour les joueurs canadiens. Mais là, le problème, c'est que là, tu as un joueur américain qui est une super vedette, qui n'a pas un gros salaire parce que tu sais, il n'a pas de pouvoir de négociation parce que tu sais, il y en a tellement des joueurs qui sont disponibles, que là, il se ramasse que lui, il fait moins d'argent que son réserviste canadien en arrière de lui. Là, tu sais, lui, il trouve pas ça correct. Fait que c'est pour ça que l'association des joueurs réalise que, hey, on est l'association des joueurs. Pas juste l'association des joueurs canadiens. Donc, oui, le ratio est très important. C'est un élément essentiel. Mais c'est peut-être pour ça que là, le ratio, il y a des discussions. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les joueurs américains arrivent dans la Ligue avec peut-être un salaire plus élevé en partant. Puis, tu sais, essayer de rebalancer les choses. Okay. Parce que, tu sais, puis moi, écoute, je me plains pas. J'ai profité de ce système-là, tu sais. Souvent, les joueurs canadiens qui font le plus d'argent, c'est les joueurs de ligne à l'attaque. C'est souvent là qu'ils sont ciblés. C'est souvent les joueurs canadiens, c'est souvent là qu'ils vont jouer, tu sais. Okay. Dernier point, la Ligue Alliance. Tu suivis ça un petit peu? Non, pas du tout. Non, ben, j'ai juste suivi. Ça fonctionnait pas, là, qu'il manquait d'argent et tout ça. Mais non, écoute, j'ai même pas regardé un match. Mais la Ligue de printemps, tu crois-tu une Ligue de printemps? Ah, écoute. Moi, pourquoi? Je ne croyais pas, je n'ai même pas regardé. Je n'ai même pas le réflexe de checker. Moi, c'est comme. Après le Super Bowl, là, c'est pas de football jusqu'au camp des Alouettes. Ben, Pierre Vacheval, gros, gros merci. Merci. Voilà, Pierre Vacheval. Oui.